Salut Mike, merci pour ta belle émission, on te retrouve la semaine prochaine. Bonsoir et bienvenue sur Fadjet pour une nouvelle émission de Music Live sur Fadjet 94.2 ou Fadjet.net. L'actu est chargée, alors générique Patrick. Music Live avec You. Tous les deuxièmes et quatrièmes mercredi du mois. Eh bien bonsoir, bienvenue dans votre édition du 20h. Nous évoquerons l'actualité internationale, locale, mais contrairement à toutes les autres chaînes et stations, nous vous annonçons que de bonnes nouvelles et des nouvelles musicales. Il est 20h, voici votre journal. Et on commence tout de suite par un anniversaire. En effet, Music Live a un an. Et je voudrais remercier sincèrement toute l'équipe de Fadjet, tous les collègues animateurs, évidemment Fabienne, la directrice de la station, Yves qui fait un super boulot chaque jour. Je suis heureux, mon contrat a été reconduit, contrairement à d'autres, si vous écoutez l'actualité locale, comme quoi il vaut mieux faire de la musique que du football. Allez, l'actualité dans le monde. Christopher Cross, pour l'artiste américain Christopher Cross aussi, ce fut un bel anniversaire. L'artiste était le passage le 4 mai dernier à Paris pour fêter ses 75 printemps à l'Olympia. Une soirée très spéciale car à cette occasion il était accompagné évidemment par ses musiciens et ses choristes, mais aussi par un orchestre symphonique sur plusieurs chansons. Ce concert a été enregistré et filmé et selon CC, comme on l'appelle, ce Blue Day Live sortira début de l'année prochaine. Décidément, Paris à la côte, les artistes anglo-saxons adorent enregistrer des lives en France, que ce soit à l'Olympia ou dans les autres salles de Paris. Voilà le petit moment de réjouissance où on lui a apporté son gâteau d'anniversaire, le 4. Joyeux anniversaire, Christopher. Et puis nous allons, donc après son anniversaire, il a fait un petit détour par l'Allemagne et Zurich, en Suisse. Il était de retour cette fois au Rocal, à Esch-sur-Alzette, et je n'aurais pas manqué ce rendez-vous pour tout l'or du monde, dimanche soir. Et le public non plus, puisqu'on lui a fêté une nouvelle fois son anniversaire, ce qu'il a apprécié vraiment. Quand on aime, on compte pas. Il poursuit sa route en Angleterre, puis part ensuite aux États-Unis tout l'été, durant 3 mois, avec le groupe Toto et The Romantics. Le voilà dans une de ses plus belles chansons en live dimanche soir au Rocal. La chanson s'appelle Sailing et retrouvez-moi sur la page Facebook Music Live by You on Fadjet. Je prépare la restitution d'une interview avec ses musiciens et sa team que j'ai eu le bonheur de rencontrer autour d'un verre à la fin de la soirée. Un moment vraiment magique. Allez Christopher, c'est à toi et une spéciale dédicace à Valérie qui se reconnaîtra. Thank you. Thanks so much, Christopher Cross. Allez, une autre actu internationale. Après des décennies de carrière solo parallèle, Paul McCartney et Ringo Starr unissent enfin leurs voix sur un même titre. Home to Us marque une première dans l'histoire post-Beatles. Jamais les deux musiciens n'avaient enregistré ensemble un morceau en duo. Cette balade empreinte de nostalgie rend hommage à Liverpool et leur ville natale commune à travers leurs souvenirs de jeunesse et qui annonce la sortie du prochain album de McCartney, The Boys on Dungeon Lane, prévu le 29 mai. Les voix de Chrissie Hynde et Charlene Spiteri enrichissent cette collaboration exceptionnelle. Macca, comme on l'appelle, a tout composé sur cet album. Il a tout écrit, il joue de tous les instruments, comme sur son tout premier album de 1970, avec des textes cette fois annoncés comme très introspectifs. Il est déjà prévu qu'il reparte en World Tour, si tout va bien, dès la fin de l'année. Allez, on le retrouve tout de suite, lui et Ringo. But it was home to us. We didn't worry where the road was gonna take us to. There wasn't time to make a fuss, 'cause that was all we knew. The world around us wasn't safe, the place was falling down. But it was my hometown. Ah, c'est quand même bon, hein. Ça sent bien et ça fleure bon, la Beatlesmania et les Beatles. Bon, puisqu'on parlait des Beatles juste avant la chanson, les Rolling Stones avaient eux aussi une sortie de prévue ce week-end à Londres pour une conférence de presse mondiale pour annoncer le nouvel album qui va sortir avec un Keith Richards plutôt en meilleure forme que ces derniers mois. Il l'avait promis pour mai, cet énième opus, et ben il sortira finalement le 10 juillet. Tout juste pour partir à la plage, ça tombe bien, l'album est intitulé Foreign Tongues, donc qui veut dire langue étrangère, donc aucun rapport avec les tongs à la plage. Par contre, pas d'infos sur une nouvelle tournée en coulisses, il se dit que si tout va bien, un projet de World Tour devrait voir le jour fin 2027, voire 2028. Croisons les doigts. Mais à Musique Live, nous sommes plus malins, alors voici non pas un, mais deux titres inédits du prochain album des Stones, et en exclu Mumu, d'abord In the Star et ensuite Rolled and Twisted. Allez, c'est cadeau, c'est Musique Live. Poirier, bonus, Rolling Stones, Music Live. C'est bon. Bon, sinon, un incident a failli dégénérer lors du concert d'Eric Clapton à Madrid jeudi dernier. Eric Clapton a écourté son concert au Movistar Arena de Madrid le jeudi 7 mai, après qu'un spectateur lui ait lancé un disque vinyle qu'il a reçu en pleine poitrine. L'incident s'est produit alors que la légende britannique terminait le concert et s'apprêtait à saluer le public avec tout son monde. Tout de suite, les bodyguards ont fait quitter la scène à Clapton. La police est arrivée à grand renfort, provoquant les huées du public. Au final, il s'agissait d'un admirateur ayant mal visé et qui voulait qu'Eric Clapton lui dédicace un album rare accompagné d'un joli message. Bon, plus de peur que de mal, mais Sir Clapton a refusé de jouer les rappels prévus et le concert s'est terminé dans une cacophonie bien compréhensive vu le prix des places, 250 €. Le pauvre fan a quand même été embarqué au poste de police et relâché après vérification et être sûr qu'Eric Clapton ait refusé de porter plainte. Par contre, aura-t-il sa dédicace, à votre avis, c'est pas sûr. Musique live de 20h à 21h sur Fadjet. Allez, on poursuit avec l'actu en France et l'album de Gauvincer qui était prévu en mai, eh bien, il est dans les bacs. Un nouvel album salué par la critique et avec quelques duos en prime, dont un avec Francis Cabrel que nous allons écouter. Gauvincer sera en tournée à partir de début 2027. La tournée ne cesse de s'étendre et bonne nouvelle, il sera à Jean Lotte à Neuf-Maisons le 16 janvier. Bravo Neuneu. Alors, si vous êtes curieux, bah, allez regarder le clip de cette chanson sur YouTube. Vous découvrirez le grenier aménagé et en studio chez Francis Cabrel à Stafford, où le titre a été enregistré et où le clip a été tourné. Ça s'appelle Boulevard de l'Enfance et on l'écoute tout de suite maintenant ou tout de suite. 21h, c'est Music Live sur Fadjet. On l'arrache de son lit, l'enfant de Somalie, sans lui laisser le choix. Il aura dès demain un fusil dans les mains et du sang sur les doigts. C'est même pas un ado et ça fait froid dans le dos quand on sait par-dessus tout que les beaux marchands d'armes, les fabricants de larmes sont bien au chaud chez nous. On la chasse de son pieu et l'empire du milieu la prendra sous son aile. Elle aura dès demain la fillette aux petites mains, une machine devant elle. Pour fabriquer bien sûr des poupées, des chaussures qui feront des tas de jaloux. Quand les immenses cargos tassés comme des Legos arriveront jusqu'à nous. Nous deux, on en a eu de la chance d'avoir décroché l'innocence au grand loto de la naissance. On a manqué de rien, tu penses? On a côtoyé l'insouciance sur le boulevard de l'enfance. On le recrute au berceau, le gosse de Mexico et sa grande sœur de vie. Faudra dès demain écouler en sous-main de la drôle de farine. Et puis rester fidèle au patron du cartel, le roi de la poudre blanche, celle qu'on sniffe à Paname en trouvant ça infâme, les guerres que ça déclenche. On la tire de ses draps, la môme qui vient de là où les yeux bleus fourmillent. Elle aura dès demain un petit sac à main, mais plus de nom de famille. On lui demandera face à la caméra de poser sans arrêt, pour que dans 5 secondes des hommes au bout du monde la désirent en secret. Nous deux, on en a eu de la chance d'avoir décroché l'innocence au grand loto de la naissance. On a manqué de rien, tu penses? On a baigné dans l'insouciance sur le boulevard de l'enfance. Nous deux, on a grandi en France, on en a eu de la chance au grand loto de la naissance. On a manqué de rien, tu penses, sur le boulevard de l'enfance. On a manqué de rien, tu penses, sur le boulevard de l'enfance. On a manqué de rien, tu penses, sur le boulevard de l'enfance. Une très jolie chanson de Gauvin Serre et interprétée en duo avec Francis Cabrel. Je voulais mettre un petit coup de projo sur un grand artiste de la chanson française, j'ai nommé Gilbert Lafaye. Les plus jeunes ne le connaissent que peu et pourtant vous devriez écouter ses chansons. Il y a beaucoup de talent chez lui et une écriture fine dans chacune de ses chansons. Gilbert Lafaye est né en 48, il devient prof de français à 23 ans, puis accompagnateur touristique en Asie, envie de voyager au Moyen-Orient. Il aime la musique, alors il revient en France au milieu des années 70 et commence à composer et à jouer dans les cabarets parisiens en croisant plein de jeunes talents de l'époque comme Dick Engar, Hervé Christiani, Geneviève Paris, Alan Stivell, Eric Christie et les guitaristes Jacada et Michel Aumont, entre autres. Premier album 77, il fait tous les festivals, il travaille aussi en étroite collaboration avec Michel Fugain ou Romain Didier, il reçoit les années suivantes de nombreux prix et poursuit sa carrière jusqu'à aujourd'hui sans faire de tapage page, ni les une des magazines, mais il a un public fidèle et en cap de nouveau à chacune de ses tournées. Beaucoup d'artistes aujourd'hui se réclament de lui, ses concerts alternent le plus souvent entre chansons, poésie et sketch. Il est l'un des artistes majeurs de la chanson française, plutôt côté rive gauche. Alors je vous conseille de découvrir son œuvre au travers d'une vingtaine d'albums qu'il a sortis. Voilà une chanson qui le reflète bien et qui s'appelle Neuilly Blues, c'est en live. Il parle de son enfance à Neuilly, un titre autobiographique et drôle. Gilbert, ça m'a fait plaisir de te faire un petit salut amical. On écoute tout de suite Neuilly Blues. Non. Ça, c'est pas Neuilly Blues. C'est ça, Neuilly Blues. Mais qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai rien à chanter. Pas d'enfance martyre. Personne m'a aidé. J'ai jamais été battu, ni fouetté, ni giflé. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Et j'ai beau chercher partout, ressasser sans arrêt mon passé, revoir toute mon enfance, et j'ai jamais souffert. Les vacances à la mer, les cadeaux à Noël, les habits à la mode, les petits cours de latin. Ah, y en a qui ont du bol, qui ont de longues maladies, des parents alcooliques, une lourde hérédité, eux ils en ont à dire. J'ai rien à chanter, je virais toutes mes cuties, sauf une fois, à cause du timbre qui s'était décollé dans mon bas. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly blues. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly blues. Et qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai rien à chanter, j'ai pas pu choisir. C'est lourd, le passé. J'ai jamais été soudeur, ni mineur, ni tôlard. Le destin, tu peux pas lutter contre. Et j'ai beau chercher partout, fouiller dans les archives de famille jusqu'au cousin germain, pas trace de métallo. Ingénieur, professeur, avocat, chirurgien, musicien, journaliste, critique d'art, PDG. Ah, y en a qui ont du bol, qui sont nés dans la zone, qui ont bossé en usine, vécu en HLM, toujours tout pour les mêmes. Moi j'ai rien à chanter, j'ai redoublé ma sixième. Et encore c'était juste, j'ai bien failli passer. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly blues. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly blues. Mais qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai rien à chanter, rien qui puisse servir et rien à exploiter. Si seulement j'étais noir, juif, arabe, portugais, non, je suis là, rose et frais, bien français, la tuile. Et j'ai beau chercher partout, faire le tour des amis, des copains éloignés, pas le moindre immigré. Thierry, des Chantal, des Jean-Charles, des Arnaud, des Benoît, des Solange, pas d'Abdoul, pas d'Ahmed. Ah, y en a qui ont du bol, qui se font tabasser, privés d'identité, inculpés, expulsés, ça c'est des bons sujets. Mais moi j'ai rien à chanter, j'ai vécu sans histoire. Et y a toujours eu des femmes de ménage à la maison. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly blues. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly blues. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly blues. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly. Voilà, Gilbert Lafaye, allez écouter ses chansons, vous allez voir, vous allez passer un bon moment, et c'est vraiment très fin et très, très sympa. Voilà, je voulais aussi, puisqu'on est en plein dans la chanson française, vous parler de la presse consacrée à la chanson française qui souffre terriblement depuis pas mal d'années. Beaucoup de journaux ont mis la clé sous la porte, et les derniers résistants font comme ils peuvent. Alors à l'occasion, dans votre maison de la presse ou sur internet, achetez ces revues pour découvrir des artistes plein de talents, de pépites, et pour éviter qu'on parle que de ceux de la Voice et de Starac, un magazine internet consacré à la chanson française aujourd'hui et de toujours, Nos Enchanteurs, le quotidien de la chanson. On a aussi Francophone, le magazine d'actu bimensuel de la scène francophone, qui arrête sa version papier en le remplaçant par un blog, en espérant un soutien de tous ceux qui aiment la chanson francophone, une presse qui est déjà en piteux état depuis longtemps, et où les médias ne parlent que des grandes stars qui vendent et qui vendront toujours plus, alors qu'il y a plein de talents méconnus dans des petits labels dont on n'entend jamais parler sur les ondes ou à la télévision. Et puis, puisqu'on parle de lecture, bah voici des livres qui viennent de sortir. Tiens, un bouquin sympa de l'ami Eric Jean-Jean. Oui, oui, oui, le Jean-Jean d'RTL. Eh bien, il vient de sortir, ou plutôt de ressortir, Histoire insolite de la chanson française, un bouquin truffé d'anecdotes drôles ou étonnantes, et qui va vous faire passer un bon moment à la plage cet été. 13 euros, c'est cadeau. Légende de la chanson française de Mathieu Moulin, ancien directeur artistique d'une célèbre maison de disques. Là aussi, un beau moment à passer en le lisant aux éditions Atlant de EDS et au prix de 23 euros. Et enfin, pour ce mois-ci, j'ai celui de Gilles Suchet, ex-animateur de Radio Locale et libraire, qui a sorti un chouette bouquin en fin d'année dernière et qui se nomme « Mais non, on ne dit pas que tu écoutes de la merde ». Un livre qui combat les préjugés entre les classes sociales, les goûts de l'autre et les musiques intergénérationnelles, avec documentation et témoignages à l'appel. On s'y retrouve tous et c'est autant marrant que mordant qu'intéressant. C'est aux éditions BPN et ça coûte 10 euros, c'est cadeau. Encore une fois, avant d'aller sur les plateformes, passez chez votre libraire indépendant, du coup, il sera plus efficace et sympa pour vous trouver votre recherche. Et même si ça vous coûte un euro de plus, vous évitez, par votre geste, de voir fermer les petites librairies qui sont des commerces de proximité, comme les disquaires, les magasins d'instruments de musique et tant d'autres commerces dont on a besoin dans nos grandes et petites villes. Prenez-en conscience. Tiens, en parlant de commerce local et de culture locale, avant de passer justement aux actualités locales et de la région, une petite pause musicale avec un chouette album, et pour une bonne cause, celui de Charlène Couture, qui reprend son répertoire avec plein d'invités, donc Yannick Noah, dans la balade du mois d'août 75, et je fais une dédicace spéciale à Nicolas, à un vieux copain qui est du côté de Châtel-sur-Moselle dans les Vosges, en souvenir de nos bonnes années. On écoute ce titre, non pas par Yannick Noah et Charlène Couture, mais dans une adaptation originale et en live, que j'ai trouvé vraiment géniale, qui est d'un dénommé Yann Neteyev, alias Stan Yann. Je pense que c'est quelqu'un de Nancy. Si quelqu'un peut me donner des sources à son sujet, j'en serai ravi. Voilà, on écoute Balade du mois d'août 75, la chanson de Charlie. Yann Neteyev, si vous le connaissez, n'hésitez pas à me passer des infos. D'ailleurs, cet album Bleu Vert qui vient de sortir, Charlie avec plein d'amis, plein d'artistes, Aubert, je cite de tête, hein, Kent, je disais Yannick Noah, sa fille Amé aussi, il y a aussi Watson, l'écolo, qui il reprend un poème de lui. Un super album, et il faut savoir qu'une fois que les frais de production seront remboursés, chaque album rapportera 1 euro à France Nature Environnement, donc qui est une association qui regroupe plus de 600 associations en France, d'associations qui protègent la nature, qui luttent contre les pesticides, qui essayent de maintenir la diversité biologique, animale, florale, dans nos contrées. Et c'est bon pour tout le monde et pour ceux aussi qui habitent la campagne. Voilà, donc je voulais le signaler parce que c'est une belle action. Mais Charlélie n'en est pas à la première et il n'en sera pas à la dernière. D'ailleurs, tiens, je vais lui faire de la pub. Même si tout le monde sait où il passe, il a parti en tournée, soit en solissimo, soit en contrebande, et il sera dans le coin, il sera à Terville en Moselle le 27 juin. Voilà une info, oyez oyez, allez dire bonjour à Charlélie. Voilà, une autre info, c'est dans la région aussi, enfin chez les amis voisins luxembourgeois, c'est nos amis, nos cousins, on est tout proches, et ensemble, vous pourrez voir dans quelques jours d'intervalle, d'abord le 20 mai, celui qui cesse de monter de plus en plus haut, Dermot Kennedy, un Irlandais à la voix comme on aime, et dans un registre pop, et la fantastique Beth Hart le 26 mai, avec son blues rock et ses prestations incomparables, on stage. J'ai déjà mes billets, il reste encore quelques places. Sinon, le JDM, le festival du Michel, va vite arriver aussi, les 22, 23, 24 mai à Toul. Et vous le savez, Radio Fadjet et les amis de Radio Déclic s'unissent et sont présents les 3 jours sur le festival pour de longues et belles émissions en direct aussi, avec la venue dans le studio sous toile et sous les étoiles des artistes qui vont nous réjouir durant ces 3 jours. Alors, entre deux concerts, venez les saluer, vous croiserez sans doute les artistes, les techniciens, les organisateurs du festival. Pour moi, ce sera une bière avec modération, le 23, je crois, les Ice Bean, dans une de leurs reprises, puisqu'ils ont un concept plutôt 60-70, cette fois ce sera avec You Really Got Me, de qui des Kings, les seuls, les vrais, comme dirait l'ami Denis, Dale Courbeach. Big up, mon Denis, et tu viens encore dans le studio de Music Live pour la musique et pour la setlist de l'invité et faire trembler les murs. Allez, on écoute tout de suite You Really Got Me. Ice Bean, ICEBEAN. Yeah, we got it now. c'était les Aïjbin. Un autre festival qui vaut aussi le fait d'en parler, c'est le festival de jazz de Marly en Moselle, avec de sacrées pointures cette année. Ce sera du 21 au 24, en même temps que le JDM. Va falloir choisir où aller à l'un et à l'autre, d'ailleurs, c'est pas plus mal. Pour moi, ce sera le 23, avec Richard Galliano, un des plus grands artistes de jazz accordéoniste depuis 50 ans, connu, bien connu au NJP pour être venu plein de fois. Et on va l'écouter ici avec Tango pour Claude, dont sa composition avait servi à la chanson de Claude Nougaro, Vie, Violence. Allez, c'est parti, Richard Galliano, Tango pour Claude. Richard Galliano, un accordéon qu'on reconnaît entre mille, puisque vous avez sûrement entendu cette sonorité-là dans pas mal de films, dans des séries TV aussi, dans des émissions, pour des génériques d'émissions de télévision. On entend souvent ce son-là, ce son de Richard Galliano. Voilà, allez, on revient à Nancy, pour cette fois à l'autre canal, durant 3 jours, les bons moments, avec des concerts, des animations, des ateliers, une nuit ouverte, des activités en famille et tout ça, gratos. Ce sera les 29, 30 et 31 mai, quel mois de mai, de 13h à point d'heure. Voilà une bonne idée de sortie pour tout le monde. Et puis, vous avez aussi tous les concerts dans les bars, toujours avec une excellente programmation pour tous les goûts et des artistes ou groupes locaux le plus souvent. Vous trouverez tout cela sur les réseaux sociaux et sur les pages Facebook des bars, mais aussi celle de Nancy Agenda Concert ou sur le site Nancy Curieux page concert. Voilà, il est presque temps maintenant de refermer ce journal avec l'événement du mois de mai à Nancy, la venue de Zucchero au Zénith le 31. Le bluesman italien va encore ravir le public. Il reste encore quelques places, j'ai vu ça, à 68,50, 78,50 et 90,50. On va l'écouter avec Diavolo et mai. On se retrouve, nous, le mois prochain, même endroit, même heure, d'abord, dans 15 jours, pour une nouvelle émission où je vais vous amener en concert. Et le mois suivant, donc dans un mois, avec à 20h, spécial festival dans la région. Et il y en a beaucoup cette année. Nous parlerons aussi des Guinguettes de Nancy qui ouvrent, ou qui vont ouvrir d'ici très très peu de temps. Un peu d'actu national et international. Bref, tout ce qu'il faut pour passer une bonne heure ensemble. Merci de votre attention. Bonne soirée avec Fadjet. Et n'oubliez pas, allez voir et écouter de la musique vivante. Merci et ciao à tutti. Voici Zucchero. I got a message for you from our Heavenly Father. Unite for peace, love, joy and happiness. Let it in your soul, brothers and sisters. Let it come on out, let it come on in. Everybody knows he's here. Everybody knows that Zucchero is here. And I'm right here to tell you right now, raise your hands in the air. Come on, everybody. Go like this. We need to sanctify.